Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. Plus de 120 candidats ont été enregistrés pour passer le test d'entrée à l'Institut supérieur de l'Académie militaire. Le test a été passé ce samedi. À Kitega, bientôt un centre de valorisation des déchets qui seront transformés en engrais. À Matana, nous sommes dans la province de Bourou, on vous parlera de la hausse des prix des échoppes. Des commerçants de ce marché grognent. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean-Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Jean-Marie Nduimana, un Hutu du parti CNDD-FDD, a été élu administrateur communal d'Obugarama ce samedi afin de remplacer Charlie Carrero, un Tutsi de ce même parti, récemment destitué à ce poste. Il a obtenu 10 voix contre 7 de sa rivale du parti CNL. Certains parmi les conseillers communaux issus du parti CNL disent que l'ethnie de l'administrateur communal d'Obugarama, tel qu'arrêté par la CENI, n'a pas été respectée. Jean-Marie Nduimana fut le conseiller principal du gouverneur de Rumonge. Plus de 120 candidats se sont fait enrôler au niveau national pour passer un test d'entrée à l'Institut supérieur de l'Académie militaire ISCAM. Ceci a été dit ce samedi par le porte-parole de la Force de défense nationale lors du début de la passation du test écrit constitué des mathématiques, du français et de l'anglais. Colonel Floribert Biéré qui trouve que les effectifs de ceux qui se sont fait enrôler sont satisfaisants. Alors pour le cas de cette année, on a enregistré 1122 candidats qui vont passer le test sur toute l'étendue du territoire. Alors, dans ce nombre, il y a 691 Hutus, 226 Tutsis et 7 de l'ethnie Twa. On a enregistré cette année 200 filles. Au niveau de la mairie de Bujumbura, on avait enregistré 55 candidats, mais on a pu retenir seulement 53 du fait que les deux autres candidats n'avaient pas de pièces nécessaires complètes. Il y avait des candidats qui s'étaient présentés avec des papiers qui comportaient des éléments qui n'étaient pas clairs et qui ne permettaient pas donc leur participation au test d'aujourd'hui. Ceux-là, ils sont rentrés sans avoir eu l'occasion de passer le test. Aujourd'hui donc, il y a passation du test. Et ce test comporte trois matières, à savoir les mathématiques, le français et l'anglais. Et quand on aura achevé cette passation, on va procéder à un autre test, un test physique, qui permet au candidat de montrer qu'il a des aptitudes physiques voulues. Quelle sera la suite après la passation de ce test physique? Il y aura le 21 janvier 2023, des résultats provisoires et les candidats pourront faire des réclamations s'ils trouvent qu'ils ont quelque chose à réclamer. Et puis, le 25 janvier 2023, il y aura affichage des résultats définitifs. Quand on aura achevé ce parcours, le 31 janvier, on va afficher les candidats qui auront été retenus. Et le 3 février 2023, on va procéder au ramassage des candidats pour les amener ici à l'ISCAM où ils vont commencer le processus de formation. Certains d'entre vous étaient ici l'année passée, ils ont vu que le nombre que nous avons eu aujourd'hui n'est pas très différent du nombre que nous avions l'année passée. C'est que même à l'intérieur du pays, selon les informations que nous avons déjà reçues, le nombre est acceptable et il n'y a pas de grande différence par rapport à l'année passée. C'est qu'on va avoir les candidats que nous voulons, il y a lieu d'avoir des bons candidats, nous en sommes convaincus. Le colonel Floribert Biéré est porte-parole de la Force de défense nationale. Un centre de recherche de la valorisation des déchets au sein de l'Université polytechnique de Gitega sera bientôt construit. Cela a été dit ce vendredi à Gitega dans un atelier organisé par cette université en collaboration avec l'Université Cornell des USA et les intervenants dans l'agriculture et de la protection de l'environnement pour valoriser les déchets humains. Les experts en eau-assainissement indiquent que l'étape suivante sera la mise en place d'un centre professionnel de la gestion des déchets. Arthur Kababouch. Selon Jean-Marie Nizguimana, lauréat de l'Université Polytechnique de Gitega en formation à l'Université Cornell des États-Unis d'Amérique, la collecte des déchets est toujours un problème, d'où il va continuer ce travail dès son retour au mois de juillet prochain. J'ai déjà initié un programme de recyclage des déchets plastiques dans lequel on transforme des matériaux de construction. Comme je suis en train de mener des recherches sur comment recycler et gérer différentes sortes de déchets, je vais contribuer dans ce secteur avec d'autres intervenants dans ce secteur pour qu'on puisse gérer les déchets. Silas Sayoum, recteur de l'Université Polytechnique de Gitega, fait savoir qu'ils vont créer un centre de recherche et de la valorisation des déchets au sein de l'université. Alors, avec les échanges que nous avons fait hier même aujourd'hui, nous supposons que nous allons dégager des pistes qui pourront nous aider donc à implémenter donc un centre de recherche et d'innovation, surtout en matière de la gestion de la valorisation des déchets au niveau de notre institut. Quant à l'ingénieur Nkurunziza Gustave, expert en eau et assainissement et la protection de l'environnement, et en même temps professeur à l'Université Polytechnique de Gitega, l'étape suivante est la création d'un centre professionnel de gestion des déchets. Nous voulons arriver à la création au niveau du Burundi d'un centre professionnel de gestion des déchets et une gestion intégrale de déchets. Et donc un centre qui va comprendre les techniques de gestion qui sont mises en place, les techniques de communication, les techniques de sensibilisation, de changement de mentalité. Dans la province de Gitega, la collecte des déchets reste toujours problématique. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kababushi de Gitega, rendons-nous à Ruyigi où la campagne de libération provisoire des détenus accusés de délits mineurs va se poursuivre. La ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, qui le dit, précise que les représentants du ministère public et les juges sont désormais tenus d'éviter d'emprisonner les personnes accusées de délits mineurs pour tous les dossiers en cours. Cette décision a été rendue publique ce vendredi dans la ville de Ruyigi, dans le cadre de la campagne des descentes ministérielles dans différentes provinces. Le ministère de la Justice porte à la connaissance de la population qu'il va poursuivre la campagne de libération provisoire de détenus accusés de délits mineurs, notamment ceux qui ont volé des poules, des chèvres, les domestiques accusés d'avoir volé des draps, ceux qui ont volé des vélos, des régimes de bananes et ceux qui ont déterré le manioc dans les champs. Ce sont ceux-là qui font le plein dans les différentes prisons de notre pays. Le ministère profite de cette occasion pour faire savoir que, pour tous les dossiers en cours d'instruction, les parquets accorderont la liberté provisoire aux prévenus accusés de délits mineurs pour qu'ils soient poursuivis étant en liberté. Pour les dossiers relatifs aux délits mineurs déjà fixés aux tribunaux, ceux-ci accorderont la liberté provisoire à de tels prévenus conformément à ce qui a été dit ci-haut. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05, poursuivons cette édition. Des prix des échoppes du marché de la commune Matana de la province Bururi ont été revus à la hausse. Des commerçants qui le disent affirment que ces prix ont été multipliés par 3. Une échoppe qui était payée pour 36 000 francs pour le moment, c'est 100 000 francs. Celui qui était pour 55 000 francs, c'est 150 000 francs. Ces commerçants trouvent qu'il leur sera difficile de trouver cet argent. Au sein de l'administration communale de Matana, l'on explique que c'est une décision du conseil communal. C'est un reportage signé Jean Dodier Irakodze. Ces commerçants de Matana disent que c'est difficile pour eux de trouver de l'argent pour payer ces échoppes. Ils affirment que la somme qu'ils payaient a été multipliée par 3 et ajoutent que leurs activités commerciales ne marchent plus bien. Ils déplorent l'imposition de signer les nouveaux contrats pour la location de ces échoppes. La commune a revu à la hausse les prix à hauteur de 300%. Nous avons été étonnés car ça faisait longtemps qu'on travaille dans ces stands. Une échoppe qui était louée à 50 000 francs burundais est revue à 150 000. Celui de 30 000 à 70 000. Celui de 40 000, c'est 100 000. Nous sommes dépassés. On nous exige de signer des contrats, sinon on va les récupérer. Bac. Comparativement aux autres marchés de grande réputation des provinces comme Gitega et Ngozi, où ils s'approvisionnent, ajoute-t-il, les prix des échoppes sont abordables. Il demande le consensus pour ces prix. Ngozi, une échoppe de 6 mètres est louée à 60 000 francs burundais. À Gitega, une échoppe de 4 mètres sur 4, c'est 21 000. À Makamba, une échoppe de 4 mètres sur 4 mètres, c'est 40 300 francs. Ces commerçants affirment qu'ils ont contribué dans la construction de ce marché de Matana, mais une contribution qui n'a pas été prise en compte pour hausser les prix des stands. Nous avons contribué à la construction de ces échoppes. C'est notre argent que nous avons dépensé en collaboration avec la commune qui a financé la construction de ces bâtiments. Nous avions des contrats avec Sogemat. Par après, la société a été écartée. Mais on a continué à travailler sur les contrats passés avec cette société. Cette hausse des tarifs de location est donc inexpliquée. Le représentant des commerçants à ce marché de Matana n'a pas été consulté lors de la prise de cette décision, rétorque Gaspard Sibomana. En tant que représentant des commerçants, je n'ai pas été consulté. Je n'en sais rien. Normalement, on devrait s'entendre sur le prix, mais ça n'a pas été le cas. Au sein de l'administration de la commune Matana, l'on explique que cette hausse s'est avérée nécessaire. Dieudonné Nkurunziza, administrateur de cette commune, précise que la décision émane du conseil communal de sa commune et que le rapport a été transmis à l'administration de la province de Bururi. 84 échoppes sont frappées par cette hausse de prix des stands, selon les commerçants de Matana. Merci Jean Dodier. Il a causé restons dans cette province du sud du pays où les habitants du quartier Rumoni non viabilisé au chef-lieu de cette province de Bururi sont menacés par les eaux de ruissellement qui se déversent dans leur maison alors qu'ils ont payé les frais de viabilisation. Ce cas a été évoqué ce vendredi à Bururi au cours d'une réunion du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions. Les participants ont évoqué également l'impraticabilité des routes à l'intérieur de communes. Le ministre Dieudonné Dukundane demande aux responsables de l'agence routière du Burundi œuvrant à Bururi de voir comment commencer le traçage des routes dans ce quartier Rumoni pour protéger la population, n'est-ce pas Zeno Nzambimana? Au cours de cette réunion, les habitants du quartier Rumoni au chef-lieu de la province de Bururi ont fait savoir qu'ils sont aujourd'hui menacés par les eaux de ruissellement qui se déversent dans leur ménage et qui détruisent les clôtures, les fosses septiques et d'autres constructions. Cela suite au manque de routes car ce quartier habité depuis plus de 10 ans n'est pas viabilisé alors qu'ils ont payé les frais relatif. Le cas d'impraticabilité de différentes routes et surtout dans les localités très accidentées où les moyens des communes et de la population ne peuvent pas parvenir à y tracer des routes a été également évoqué, sans oublier le cas de 30 personnes anciens propriétaires des parcelles du site de Guitando en commune de Matana à qui l'urbanisme ancien gestionnaire des parcelles des permaîtres urbains a retiré les parcelles en faveur de la FVS il y a de cela plus de 10 ans. Concernant les habitants du quartier Rumoni non viabilisés et qui sont menacés par les eaux de ruissellement, le ministre Dieudonné Dukundane a demandé aux responsables de l'agence routière du Burundi, exécutant les travaux de la remise en état de praticabilité de la route nationale numéro 17 Bururi-Makamba, de voir comment utiliser les machines disponibles pour tracer ces routes dans ce quartier afin de protéger la population. Concernant l'impraticabilité des différentes routes d'intérêt public dans les différentes communes de la province de Bururi, Dieudonné Dukundane fait savoir que l'objectif du ministère est que toutes les province change d'image. Il indique que toutes ces routes seront reconstruites, toujours en cas de disponibilité des moyens financiers, surtout que son ministère compte acheter ses propres engins, car aujourd'hui, ces derniers sont loués et à plus cher. À propos de 30 personnes à qui on avait retiré également leur parcelle, le ministre Dieudonné Dukundane donne l'ordre aux responsables de l'antenne de l'Oboha à Bururi de régulariser ces personnes en leur attribuant d'autres parcelles à Matana dans les plus brefs délais. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zenon Nzambimana. Et pour boucler cette édition, les organisations de la société civile doivent se conformer au plan communal de développement communautaire dans leur projet. Propos de Balthazar Sibonda, vice-chef de file de ces organisations dans la commune Kayanza. C'était ce vendredi lors de l'évaluation des réalisations du guichet unique communal Kayanza après 3 ans d'existence. Le gouvernement de Kayanza salue l'initiative des organisations non gouvernementales de mettre en place ce service. Patrick Nsengiyumva. Le guichet unique et communal Kayanza pour les organisations de la société civile a ouvert ses portes depuis novembre de l'année passée. Il est mis en place par le consortium des partenaires au développement dont Oaja Disco et Cordé Dancy. Vous saurez également qu'à part la commune Kayanza, la commune Muyinga est aussi une commune pilote en ce qui est de son service du guichet unique et communal. Hier, à l'occasion d'une réunion d'évaluation des réalisations de ce service en commune Kayanza ces trois derniers mois, plusieurs parmi les participants à la séance ont apprécié positivement le rôle de ce guichet unique. Selon Balthazar Sibondavi, chef d'offre des organisations de la société civile œuvrant en commune Kayanza, dans la réalisation des projets de développement de la population par des associations sans but lucratif, on devrait nécessairement consulter le plan communal de développement communautaire pour s'y conformer et cela, d'après lui, pour éviter le chevauchement des mêmes projets dans les mêmes zones d'intervention. Nyandu Jirwe, administrateur communal Kayanza, Domeme Kerimichicha, gouverneur de la province Kayanza, tous disent que ce guichet unique et communal Kayanza permettra la visibilité de ces organisations de la société civile, ce qui par conséquent, selon lui, permettra la reconnaissance et l'encadrement et la réglementation de les réalisations par les administrations communales et provinciales. Le gouverneur de la province Kayanza voit également que des malversations des fonds accordés par les ONG à ces organisations de la société civile seront également bannies avec les guichets uniques communaux. Viate Nirame, responsable du guichet unique communal Kayanza pour les associations sans but lucratif, fait savoir qu'au cours de ces trois derniers mois, il a visité 67 ASBL, mais que parmi elles, il y a celles qui ne sont pas en conformité avec la nouvelle loi régissant les organisations de la société civile et celles qui ne rapportaient pas à temps les réalisations. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Eric Ouimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse. Gardez l'écoute. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Promotion des logements sociaux, une initiative louable, mais... Nuance le journal Burundi Echo. Après que Dieudonné Dukundane, ministre ayant les infrastructures dans ses attributions, ait présenté aux natifs de la ville de Bujumbura la vision du gouvernement de promouvoir les logements sociaux à travers la construction des maisons en étage, il a rencontré les responsables des banques opérant au Burundi, rapporte son confrère. À cette occasion, poursuit-il, Dukundane a fait savoir que la raison de la construction des logements sociaux en étage rentre dans le cadre de la préservation des terres agricoles. La plaine de Limbo est fertile, pourtant elle est menacée par les constructions, explique le ministre Dukundane dans les colonnes de ce journal. Les responsables des banques présents à la dite réunion ont d'abord manifesté un sentiment de satisfaction. Néanmoins, souligne Burundi Echo, ils s'inquiètent du fait que les banques ont des ressources à court terme, alors que les logements sociaux en étage nécessitent des financements à long terme. Pour cette raison, il demande au gouvernement de chercher d'autres partenaires qui peuvent accorder aux banques des financements à long terme. De surcroît, ils ont indiqué que certains pays mettent en place un fonds spécial destiné au financement des logements sociaux. L'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique fait remarquer que cette politique date des années 70 et que sa mise en œuvre est attendue avec impatience aujourd'hui. Après la ratification de la Charte africaine de la jeunesse par le président Évariste Ndayishimiye ce 9 janvier 2023, les leaders des organisations des jeunes expriment leur gratitude, écrit le journal Iwachu. Pour Thierry Ingabire, président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, rapporte ce journal, le président de la République vient de prouver encore une fois son engagement ferme à hisser la jeunesse burundaise à un rang plus honorifique dans le concert des nations. L'hebdomadaire Iwachu rappelle que la Charte africaine de la jeunesse a été adoptée le 2 juillet 2006 à Banjul en Gambie. En son article 12, note son confrère, elle propose l'élaboration de la politique nationale pour la jeunesse qui devra se fonder sur une consultation massive des jeunes et prévoir la participation active de ces derniers à tous les niveaux de prise de décision. revue de la presse. Une moyenne nettement améliorée au lycée communal urbain de Gitega, constate la voix de l'enseignant. En effet, précise ce journal, la moyenne pour ce trimestre est de 57,02%, alors que le premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022 était de 50,5% et de 52,7% pour 2020-2021. Le directeur de cette école, Hafzarimana Guillaume, révèle dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation le secret de cette inhabituelle réussite. Les enseignants ont commencé l'année scolaire avec de nouvelles préparations. Tous les cahiers de préparation sont cachetés. Les préparations sont désormais actualisées. Le directeur et les enseignants ont procédé à une forme de renforcement des capacités. Ils se mettent ensemble dans une même classe. L'un d'eux propose un sujet d'une situation d'intégration et les autres suivent. En cas de nécessité, ils se corrigent mutuellement, poursuit son confrère. Enfin, note la voix de l'enseignant, au cours de ce premier trimestre, le directeur a fait 11 visites de classe dans une école comptant 19 locaux avec 921 élèves. Le préfet en a fait d'autres. L'agence burundaise de presse rapporte que les opérateurs privés du secteur de l'hôtellerie et tourisme en province de Ruyigi demandent au gouvernement de voir à la baisse les frais d'agrément de leurs institutions et les taxes et impôts qu'ils paient annuellement pour que ce secteur puisse se développer dans cette province. Cet appel est lancé après une retraite d'échanges sur le contenu de la nouvelle politique nationale régissant ce secteur au Burundi. Une retraite organisée par la Chambre sectorielle de l'hôtellerie et tourisme au Burundi, précise ce quotidien, qui ajoute que cette retraite a vu la mise sur pied d'un organe provincial de concertation et de gestion dans ce secteur. Comme l'a indiqué Herman Daïsaba, expert en provenance de la Chambre sectorielle de l'hôtellerie et tourisme au Burundi, ce secteur connaît quelques lacunes organisationnelles qui occasionnent des pertes monétaires et la place du Burundi est de loin en arrière par rapport aux autres pays de la communauté est-africaine, note toujours l'ABP. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.